aurait pu se dire je t'aime pendant encore bien des années. Mais la vie a voulu qu'on s'éloigne sans même se regarder. Tu as tes espoirs, moi j'ai les miens. Je renoncerai pas pour rester sur ton chemin. Alors on sourit en se disant adieu, puisque sur d'autres routes, nous saurons être plus heureux. À croire qu'on n'était pas fait pour vivre ensemble indéfiniment. Peut-être que quelque part, nous si différents, on se ressemble trop maintenant. On n'a pas voulu appuyer sur le frein quand on a pris des horizons opposés. Alors maintenant, à quoi nous servirait de chialer ou de regretter? Après tout, c'est pas la peine, on a réalisé l'essentiel. Il y aura toujours une part de toi dans mon cœur. Et n'oublie pas que ce passé me rassure lorsque j'ai peur. Mais ton regard ne compte plus, on n'a rien gardé d'avant. On a changé, on n'est plus des enfants. Nos ailleurs nous appellent, on peut pas résister. Nos vies seront bien plus sereines, en évitant de se regretter. Je laisse un bout de moi dans le coin, et tu t'en souviendras dans tes mauvais jours. Mais ne viens pas t'y réfugier trop souvent et trace ton parcours. T'as tout à réussir, même si trouve souvent t'es seul le soir. Ça durera pas, tu le sais aussi bien que moi. Alors abat les coups de cafard. Je me perdrai pas dans un mélod d'émotions contradictoires. Je te dirai juste que je suis fière d'avoir connu notre histoire. Mais elle est derrière moi, derrière toi. Et y'aura pas de renaissance. Ça sert à rien de se tenter pour finalement comprendre notre indifférence. Personne ne saura tout ce qu'on a pu ressentir, ni même le nombre d'appels qu'on a décidé de ne pas faire aboutir. Le futur nous attend chacun sur nos quatre gares. On gardera toujours un lien, même si pour nous deux c'est trop tard. Alors souris et n'oublie pas de montrer les crocs. Il n'y a pas que moi qui dois savoir que c'est bien plus que tu vaux.